L'amour s'en va. Le bourgeon qui éclot, fleurit, s'épanouit, flétrit et devient poussière. Toute forme qui apparaît disparaît. Tout ce qui naît meurt. Tout ce qui vient s'en va et manifeste ainsi le « cela », l'éternel « Atma » qui seul demeure. Un jeune homme pauvre nommé Iruka aimait de toute la folie de son cœur une jeune fille riche et belle de surcroît. Comme il était lettré, Iruka écrivit à sa bien-aimée une lettre d'amour chaque jour pendant 3 longues années sans faillir une seule fois. La 3e année, il osa lui suggérer de lui faire un signe à l'occasion de la fête du bon. Mais la bien-aimée ne répondit pas, ne le regarda même pas et ne lui manifesta jamais le moindre intérêt. Alors le cœur d'Iruka se lassa. Il songea à devenir moine, ce qu'il fit en effet, et le temps passa. Un matin de printemps, il allait chercher de l'eau au puits situé près de son ermitage quand Iruka rencontra Shuujo pour la première et dernière fois de sa vie. Elle se jeta à ses pieds. « Iruka, s'écria-t-elle, j'ai cheminé de longs mois avant de te retrouver. Enfin je te vois, admirable Iruka. Ton amour, dont 1000 lettres témoignent, a fini par toucher mon cœur. » En disant ces mots, elle dévoila son visage caché jusque-là par un fin voile de soie. Et sa beauté était telle qu'elle fit pâlir l'éclat du jour. « Je suis à toi, Iruka. Je t'aime aujourd'hui, comme tu m'aimais autrefois. » Iruka lui répondit. « Il est trop tard, Shuujo. J'ai rompu tout lien avec cette sorte d'amour. Je suis moine. » Et sans un regard, il la quitta. Shuujo, de désespoir, se jeta dans la rivière et s'y noya. En apprenant la nouvelle, Iruka composa ce poème. Elle ne reste pas sur la branche, la fleur de cerisier. Elle meurt avant l'été. Cette histoire est maintenant du passé. Tout ce qui naît meurt. Tout ce qui vient s'en va et ne demeure que l'éternel Atma.